France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire du Centre Beaubourg, ou Centre Georges Pompidou, avec notre invité Sylvie Vincendon. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au service culturel, question d'urbanisme, on va dire question d'urbanisme plutôt. Hein. Oui, mais voilà. Enfin, j'ai un peu viré vers l'économie, excusez-moi. L'économie, bon, bah, écoutez, en tout cas au journal Libération, c'est le principal. Oui, ça c'est sûr. Libération qui est notre partenaire une fois tous les 15 jours. Alors, Sylvie, on l'a vu dans ce récit, le Centre Pompidou a longtemps été décrié par les riverains, par les politiques et les conservateurs de tout poil. Aujourd'hui, alors qu'on fête ses 40 ans, il est le symbole, c'est clair, hein, d'une réussite. Je rappelle que le musée rassemble plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, qu'il est dans le top 3 des lieux les plus visités par les touristes qui viennent à Paris. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce succès? On reviendra sur la polémique après, et finalement sur le décalage hein, entre la polémique de l'époque et le succès d'aujourd'hui. Qui est un grand classique que nous avions déjà vu ensemble sur la pyramide du Louvre. C'est vrai. Donc on peut retrouver ça quand même dans beaucoup d'endroits de ce genre. Mais il est antérieur celui-là donc. Oui, celui-là est antérieur. Comme quoi c'est une habitude qui se garde en France. Là en l'occurrence, ce qui est frappant, c'est à quel point le bâtiment a fait sa preuve par l'usage. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, si on prend le Parvis, qui est quand même un endroit où il se passe quand même toujours des choses, où il y a des gens, où les gens traînent d'une certaine façon. On regarde ce qui se passe sur le Parvis de la Bibliothèque de France. Il a jamais réussi à faire cette preuve-là. Donc, il y a véritablement une adoption par l'usage des gens. Et je pense que cette adoption tient beaucoup au fait que c'est un endroit qui, socialement, est extrêmement mixte. Comme on peut y aller pour différentes raisons, à la fois pour la bibliothèque, pour regarder la presse internationale, pour regarder la télé, pour faire des formations. Il y a des tas d'ateliers dans Pompidou. Il y a des petites expositions. Il y en a des plus grandes. Et si on regarde ce qui se passe en ce moment, où on a une exposition sur la gaffe. Donc il y a des choses qui sont quand même des thèmes abordables. Et on voit bien que physiquement, quoi, quand on regarde la foule qui est à l'intérieur, les gens sont vraiment variés. C'est un lieu de mixité. J'ai tendance à dire que ça fonctionne un peu comme une gare, mais la culture en plus, quoi. Ce qui est quand même pas rien. C'est une agora aussi. Oui, c'est ça. C'est une agora, mais devant, évidemment, mais aussi dedans. Parce que quand on rentre dans cette espèce de rez-de-chaussée qui est très ouvert, il y a un côté place de village. On peut se poser là, se dire qu'est-ce que je vais voir. Il y a véritablement, c'est un lieu très accueillant, véritablement. Alors ce qui est saisissant, c'est que si on regarde Paris de haut, je ne sais pas sur quel immeuble, quel monument, on voit ce kaléidoscope de couleurs. Mmh. Hein, et c'est formidable. Parce que oui, il dépasse juste un petit peu. Voilà, mais il y a, bah tiens, justement sur la terrasse des anciens locaux de Libération, hein, ouais. Rue Béranger, par exemple, on voit Paris de haut, et puis on voit ce petit cube avec plein de couleurs, et il y a que ça, autant de couleurs, finalement, dans le centre de Paris, donc il y a aussi dans cette réalisation architecturale, il y a cette vision de ces couleurs, de ces tuyaux. Est-ce que ça fait partie des réalisations qui vous touchent dans Beaubourg, cet aspect-là? Ce qui est touchant, c'est qu'effectivement, surtout aujourd'hui, on a tendance à être dans une époque un peu conservatrice, un peu nostalgique, et y compris à mauvais escient. Dans l'attitude qu'ont eu Piano et Rogers, Piano en parle aujourd'hui. Moi, je l'ai interviewé pour le palais de justice de Paris, qu'il est en train de construire. Et il disait, à l'époque, nous, on est vraiment post-68. On est jeune et on fait un acte de rébellion quand même. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une provocation. Ils cassent les codes, mais pas gratuitement. Hein. Ils ont une vraie raison technologique de mettre toutes ces circulations à l'extérieur et de dégager le plus d'espace d'exposition à l'intérieur du bâtiment. Tout ça est tout à fait cohérent, logique, et ils poussent le jeu jusqu'au bout. Puisque la tripaille est apparente, au moins que chaque couleur soit la couleur d'une fonction. Donc, c'est pas bleu, rouge, vert par hasard. Mmh. C'est bleu, rouge, vert, jaune parce que c'est une fonction différente à chaque fois dans le tuyau qui ne trimballe pas la même chose de l'air, du chauffage, de l'eau, de l'ascenseur, du déplacement, etc. Et du coup, il y avait un côté très révolté d'une certaine façon, mais pas du tout de manière gratuite. Tout est très pensé déjà chez eux. Ils ont à peine la trentaine, hein, quand même. Alors, tout est pensé plus ou moins bien, d'ailleurs, puisque dans le projet, il y avait aussi faire en sorte que le quartier tout autour puissent en bénéficier. Ah, mais ils n'avaient pas la maîtrise de tout. Voilà, alors ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné pour des raisons qui sont... c'est très, très difficile de maîtriser le commerce, à vrai dire. Et à partir du moment où vous avez beaucoup de monde, il y a eu une grosse demande pour ces fonds de commerce pour faire des commerces qui font beaucoup de chiffres. Et pour ça, il ne faut pas que ces commerces ils soient ni des galeries, ni des choses assez haut de gamme. Et au début, il y avait une grosse, grosse intention culturelle. Et puis après, le naturel a repris le dessus. Donc, le quartier des Halles, c'est de la fripe, de la fringue, des choses pas chères, de consommation très grand public. C'est le mass market hein, autour de Beaubourg. Mais c'est pas grave. Le centre, il existe quand même dans sa vie culturelle, dans son mélange social, des gens qui viennent pour des choses assez pointues, d'autres moins. Et au fond, tout ça, ça fait du brassage. Moi, ça me choque pas plus que ça. Alors, on peut faire un état des lieux. 40 ans après, c'est tout à fait légitime, surtout avec vous, puisque vous avez l'œil avisé sur toutes ces choses, votre spécialité. La réussite de Beaubourg, je crois que vous venez de la dire, hein, c'est ce côté brassage, quand vous dites c'est comme une gare, mais avec la culture en plus. Bon, voilà, on sent que le jugement est positif, mais est-ce qu'il y a des choses ratées, selon vous? Alors, il y a le quartier, bon voilà, ça n'a pas fonctionné, parce que, effectivement, quand on le commerce, En même dur. Temps, quand on dit ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas des rideaux de fer baissés tous les trois commerces. Hein. Tout fonctionne au sens où c'est vivant, ça marche, il y a de l'activité et certainement beaucoup de chiffre d'affaires. Mais dans le bâtiment lui-même, ce qui est frappant, c'est à quel point il est agréable à l'intérieur. C'est-à-dire que, bien que les dimensions soient complètement monumentales, on n'a jamais l'impression d'être oppressé là-dedans. Alors, à quoi ça tient? Je pense aussi que ça tient au fait que les échelles sont assez diverses, parce qu'il y a des endroits qui sont plus intime, d'autres pas. En particulier, la bibliothèque a été quand même très bien traitée. Elle a été refaite d'ailleurs de fond en comble. Et je pense que il y a eu le seul problème qu'a eu véritablement le Centre Pompidou, c'est son succès. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 ans, on l'a refait, on l'a fermé pendant quelques mois et on l'a refait de fond en comble, mais parce qu'il était simplement usé. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde... Victime de son succès, c'est mais ça? Oui, que tout s'use, les planchers, les bien circulations, l'escalator extérieur. Ça a l'air bête à dire, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, même si les gens ne sont pas du tout vandales ou s'ils se comportent pas mal du tout, mais simplement parce qu'ils sont nombreux, ça use et on a... Ça, on ne l'avait pas vu venir, quoi, vraiment, à ce point-là. C'est vrai. Alors, on va revenir sur cette histoire et insister sur le rôle de Georges Pompidou. Ouais. Je disais en intro que cet homme était un vrai moderne, bien branché, contrairement à l'image un peu pateline de bourgeois conservateur qu'il pouvait renvoyer. Bon, son rôle est absolument monumental, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est un curieux moderne, Pompidou, parce que d'un côté, c'est le couple qui était effectivement, couple, oui. Avec un goût de l'art, ils ont quand même légué à Cajar 2000 habitants un centre d'art contemporain. Donc c'est quand même, bon, il n'est pas très grand, mais c'est quand même ça. Et là, ils avaient vraiment ce goût-là. Et en même temps, chez Pompidou, c'est ambigu le rapport à la modernité. Parce que d'un côté, il fait faire les salons de l'Élysée par Paulin. Il aime Vasarely, il aime vraiment l'art de son temps. D'un autre côté, il fait la voie express rive droite. Il impulse une espèce d'urbanisme qu'on voit dans le front de Seine en face de chez vous, avec des tours de l'urbanisme sur dalle, qui n'est pas ce qu'il nous a laissé de mieux. Et puis d'un autre côté, il réunit... Il est le président des années de croissance également, des années où il n'y a pas ce souci pourtant légitime de l'environnement. Enfin, ça commence à peine. On n'est pas là-dedans. On est consommer, rouler. Il l'avait dit d'ailleurs. La bagnole et les Français, c'est un. Oui. Il avait dit ça. Hein, cette non phrase, seulement là. Il l'avait dit, mais il l'a fait dans Paris. Donc alors, Excusez-moi. Il est aussi le président d'une époque, de son époque et celle absolument. De la consommation. Puis il ne faut pas oublier qu'au moment où il pose Beaubourg sur le plateau Beaubourg, Paris est dirigé par le préfet. Paris est en fait gouverné PLM, par l'État. Absolument. Il n'a pas de maire. Donc, d'une certaine façon, l'État est maître chez lui dans cet endroit. Mais en plus de ça, il réunit un très très très bon jury pour le Centre Pompidou. Quand on entend 600 dossiers, vous imaginez pas ça aujourd'hui, quoi. Les derniers ont été les grands travaux de Mitterrand, mais on ne fait plus ça. Donc, la terre entière arrive. Et le jury est présidé par Prouvé, qui était un très très grand ingénieur.

Qu'est-ce que tu vois d'autre sur l'eau? Bah un cœur rouge, vert, bleu, orange. Il tourne. Il tourne sur lui-même. Oui. Toutes les sculptures tournent, hein. À part l'éléphant. Et là, juste en face de nous, il y a une église. C'est l'église où que Molière a été baptisé. Est-ce que vous entendez le son de la fontaine? Oui, les bruits de la machine. On s'approche pour écouter? Oui. On entend la mécanique des machines. Mais surtout, là, c'est plus bruyant que l'autre côté. Et là, il y a une grosse dame. Regarde, dans l'eau. Ah oui, elle a les cheveux bizarres. Des traits oranges. Pour la sirène? Bah oui, un corps vert, violet, blanc et rose. Il y a toutes les couleurs. Est-ce qu'elle est belle? Pas trop, non, pas trop. Non. Pourquoi elle est pas belle? Parce qu'elle est grosse. Mais c'est une œuvre d'art. Oui, mais moi je trouve pas ça beau en tout cas. Je voudrais pas sortir avec elle. En même temps, c'est une femme qui l'a fait, donc. Laquelle te plaît le mieux? Ah, la note de musique et le crâne. Et moi, c'est le cœur, parce qu'il est pour tout le monde, il tourne pour tout le monde. Allez, on y va. Attends, je t'ai entendu. Allez, on y va. Allô, ça va? On y va. Ça on y va, va oui. Merci beaucoup, hein. Merci. Au revoir. Voilà, ce qui ressort de ce reportage, c'est donc et par définition la réalité, c'est-à-dire la bonne humeur. Il y a des endroits comme ça où les gens sont de bonne humeur. Quand vous passez devant un Beaubourg, bah, tout le monde est de bonne humeur, surtout parce qu'il y a des touristes en principe. Quand on prend un week-end, c'est pour passer du bon temps. Mais même les Parisiens, il y a de la bonne humeur là-dedans. Et quand je dis là-dedans, je dis aussi dehors, Sybille Vincendon, parce que c'est très poreux tout ça finalement, entre le dedans et le dehors. Oui, ce qui est frappant, c'est que c'est un bâtiment qui, a priori, avait tout pour être une espèce de soucoupe volante posée dans le Paris haussmannien et qui a atterri dedans, mais avec un naturel confondant. Oui, alors, vrai. Quand vous êtes rue du Renard, bah, vous marchez effectivement le long d'une façade assez étrange avec des gros tuyaux et puis de temps en temps, vous apercevez les gens qui sont dans la bibliothèque. Mais ça ne fait absolument pas cet effet qu'on peut avoir dans des quartiers de dalles, par exemple, où on ne sait pas où est l'entrée des bâtiments, ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, quand il y a un rapport entre dedans et dehors. Alors, je me souviens que quand le cinéaste Gaudry avait fait des ateliers de scénario, alors c'était une exposition assez particulière, où les gens se constituaient en groupe, mais dans l'ordre d'arrivée, hein. Et les groupes faisaient un film en quoi, 3 heures, quelque chose comme ça. Donc, on allait d'une pièce à une autre pour faire le scénario, faire l'histoire, les personnages, le costume et puis le tournage. Et tout ça se passait derrière la vitre de Beaubourg, mais la vitre de rez-de-chaussée. C'est-à-dire que de l'autre côté de la vitre, il y avait les gens qui passaient, qui regardaient ça. Il y avait une espèce de porosité entre le dedans et le dehors, outre le fait que l'expo elle-même était quand même quelque chose d'assez particulier. Et je vois pas où ailleurs on peut faire des trucs pareils. Et bien justement, quand vous dites trucs pareils, ça nous renvoie peut-être à une époque où on faisait plein de trucs pareils, qui étaient formidables, qui étaient la fin des années 60. Et d'ailleurs, ça correspond avec l'élection de Georges Moïdou, qui était élu en 1969. Ouais. Est-ce qu'il est, quand il décide de se lancer dans ce projet-là et de le mener jusqu'au bout, plus ou moins influencé par l'air du temps qui est le sien, qui est celui de son élection, qui est celui de post-68, où on va faire un truc, où on va casser les barrières, est-ce qu'il y a de ça? Probablement, puisque si on regarde la polyvalence du programme qu'il y a dans Pompidou, qui est un programme d'expo d'art, d'atelier, de la bibliothèque, bien sûr, du cinéma, tout le centre de création industrielle qui rentrait au musée, c'est-à-dire que tous ces objets rentraient au musée quand même un peu pour la première fois, en tout cas en France, le programme a été respecté et c'est toujours celui-là. Donc, ils devaient bien tenir la route quand même pour être encore d'actualité. Ils n'ont pas lâché beaucoup de choses au fil des années, Pompidou. Vraiment, ils font ce qu'ils faisaient dès le début et ils ont rajouté des choses, à vrai dire. Alors, comment expliquer que la genèse a été si difficile, qu'il y ait eu comme ça ces polémiques. Alors oui, vous me direz, il y a toujours dans un pays des conservateurs, il y a ceux qui ne veulent pas bouger les choses parce qu'ils ont peur du risque que ça représente, puis il y a ceux qui considèrent que le vrai risque, c'est de rien faire, justement, c'est de ne pas avancer. Oui, mais je pense que c'est un pays qui avait été bien secoué quand même, hein. Il ne faut pas oublier ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on passait d'une France dans laquelle, effectivement, très, très corsetée, on a fait mai 68, et donc on était quand même dans la foulée de ça, et que je pense que si un politique n'était pas complètement borné, il entendait ça. Et probablement, Pompidou a eu moins de mal à l'entendre, aussi avec son côté moderniste économique, hein, véritablement, que ne l'avaient peut-être le général et Yvonne. Voilà. Le centre Beaubourg a-t-il aujourd'hui encore ses détracteurs? Est-ce qu'il y a un débat, ou est-ce que le débat que nous avons retranscrit dans en récit, finalement, il existe encore aujourd'hui, ou est-ce que l'affaire est classée, quoi? Non, l'affaire est classée. Je pense que les Parisiens, en tout cas, sont très attachés à cet endroit. Il est attachant, hein, d'une certaine manière. Ah bah oui, on n'arrête pas de le dire. Hein, c'est ce qu'on dit depuis. Je pense que c'est la bibliothèque qui a eu du mal à trouver. À créer ce genre d'attachement, alors que ce qui est paradoxal, c'est que l'étage grand public de la bibliothèque, vous avez à peu près tous les étudiants de Paris qui viennent là, donc c'est très ouvert, et pourtant ça crée pas cet attachement émotionnel, un peu affectif. Et pourquoi? Peut-être parce que l'endroit n'est pas assez accueillant. Vous pensez qu'un grand projet ambitieux comme Beaubourg, avec cette modernité, peut-être ce superbe défaut qui est celui de voir les choses avant les autres, d'avoir raison avant les autres, soit de nouveau envisageable aujourd'hui à Paris, où on a l'impression que la prudence est devenue quelque chose qui nous guide plus que l'audace? Je ne veux pas caricaturer, mais quelquefois. C'est pas tellement la prudence, c'est surtout que Paris, même si on fait le Grand Paris avec sa première couronne, c'est quand même un lieu assez gâté. Donc je comprends pourquoi Beaubourg a fait un petit à Metz et pas, ailleurs. Et pas ailleurs. Ouais. Et pourquoi le Louvre est allé faire un petit à Lens dans le bassin minier. Un très beau petit d'ailleurs. Donc il y a quand même une raison à ça. Paris n'est pas une ville sous-dotée, c'est le moins qu'on puisse dire. Dernière chose, il y a une vraie déclinaison numérique à Beaubourg, ailleurs aussi, mais à Beaubourg c'est clair, c'est-à-dire que le numérique qui est entré dans nos vies, eh bien il est dispensé à Beaubourg, il est même enseigné, je crois. Hein, oui, absolument, il y a des ateliers qui sont gratuits, et on voit des gens du troisième âge qui viennent apprendre parce qu'ils ont envie d'acheter une tablette mais voudraient savoir un peu comment ça marche et tout ça, et c'est vraiment un endroit généreux, quoi. Il n'y a rien à dire. On peut aussi, vous voyez, quand on est au chômage, eh ben on vient, on passe la journée, on regarde la presse, on regarde les télés étrangères. Il y a quelque chose, oui, de très généreux, oui, c'est vraiment le mot. Bien, alors écoutez, moi je ne suis pas l'attaché de presse du centre Beaubourg. J'ai quand même vous donner le programme, parce que je trouve que c'est du ressort de l'intérêt général, hein, du service public. Un joli week-end au centre Pompidou pour ses 40 ans. Alors il le fêtera avec le public les 4 et 5 février, c'est-à-dire samedi et dimanche, de 11h à 2h du matin le samedi dans le forum pour la fin de soirée jusqu'à 23h dans les autres espaces. Et puis de 11h à 21h le dimanche avec des visites guidées, une parade, des performances, des concerts, des ateliers, puis des films qui retraceront l'histoire de Beaubourg en continu. Et pour une information complémentaire après l'écoute de cette émission, après des spectacles de danse ou de musique, il y aura un grand bal samedi de 20h à 21h. Alors tenue conseillée monochrome, ça veut dire une seule couleur de votre choix, de la tête aux pieds. Voilà, puis le dimanche, des ateliers réservés aux 3-12 ans avec crayons et papier inviteront à la création. Des conteurs proposeront tout au long de la journée des visites familiales avec des histoires drôles et poétiques sur des œuvres du centre. Voilà, tout sera gratuit, y compris des expos. Moi, si un jour je perds mon travail, je suis sûr d'être embauché par le centre Beaubourg. Voilà, merci Sybille Vincendon. Et puis merci, on se dit, dans le cadre de notre partenariat avec Libération, à bientôt pour un autre sujet. À bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le centre Beaubourg, l'histoire d'une polémique, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le détournement du paquebot Santa Maria, c'était en 1961.